n'est pas la plus jolie. Qu'importe une fois que c'est cuit. Du moment qu'elle a du pognon, pour lui se marier, c'était pas con. L'Andru choisit Marie plus crue. L'Andru ne s'aime pas cru. L'Andru choisit Marie plus crue. L'Andru ne s'aime pas cru. Si ce mec l'avait pas existé, l'aurait inventé pour gagner un petit frisson. C'était ce qu'aimait l'opinion. L'Andru choisit Marie plus crue. L'Andru ne s'aime pas cru. L'Andru choisit Marie plus crue. L'Andru ne s'aime pas cru. Barbe bleue a eu la fin des plus heureux. Arrêtez guillotiné. Barbe bleue, c'était le dernier. L'Andru choisit Marie plus crue. L'Andru ne s'aime pas cru. L'Andru choisit Marie plus crue. L'Andru ne s'aime pas cru.